Audiomatique. One step forward, one step forward. Two steps back. Le projet montréalais « L'esclave n'était qu'une machine » ouvrait la transmission 224 d'Audiomatique avec sa pièce « Step by Step » tirée de son unique mini-album intitulé « The Love and Terror Cult » paru en 1989. Audiomatique avec les sonoristes, une heure de son sans discrimination. Did you do it good? cold, cold waiting. No bait will deter the ancient stalker, whose colour I'm not sure of, who's walked between this park and with icy fingers prepared this morbid corridor of bracken to take my steps closer there all the time. Then your fingers, hard and comforting, write softly through my hair. All that we're afraid of in each other, all that may die between us without death to take the blame. To play games so unprepared, to dance round fires unguarded. Tears become blood of sorrow, and my pulse keeps time so badly with the tune you play to me. Steps down streets that remain unchanged but change so many, will just vanish like yesterday. Don't think dark thoughts, you tell me. Yet all our fate waits prepared in darkness, and my hand will fumble for the door, whose handle is too high for me, whose wood is from those mighty trees, trees that lay down their leaves so recklessly. Flickering in autumn, and musky smoke from blazing bonfires will rise like incense from the funeral pyre in preparation. À Audiomatique, nous avions droit à la musique de la poétesse et musicienne britannique Anne Clark. Il s'agissait de la chanson « Echoes Remain Forever », extraite de son deuxième album « Changing Places » paru en 1983. Précédemment à Anne Clark, nous entendions le projet « JBM », qui est en fait le nom de scène de Jesse Bryan Marchant, né à Montréal mais établi aux États-Unis. De son troisième album intitulé Stray Ashes, nous écoutions la chanson Moon Watcher. Et pour débuter, c'était le groupe écossais de Jesus and Mary Chain et leur composition Sugar Ray, tirée de leur quatrième album Honey's Dead, lancé en 1992. Allons-y maintenant avec la formation Substance T. Thank you. We'll be right back. Le groupe islandais Moom concluait cette séquence musicale de deux pièces audiomatiques grâce à sa longue composition Smell Memory, tirée du premier album qui s'intitule Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay, album paru en 1999. Avant Moom, c'était la formation Substance T et la pièce Sonic qu'on retrouve sur l'album intitulé Beyond E. Cette transmission 224 d'Audiomatique se poursuit avec un groupe qui sera en spectacle le 11 mars prochain à Montréal, soit Massive Attack. For me. Steady, steady, steady, steady. Steady, steady, steady, steady. What will it take for these bones to crack? I'll be the one to bring it on slow. So swallow a familiar language, the science of suitcases. We have caught fire and the night is ours. Got these minds to hold on to, hearts to give away. I won't settle for one, it's best to just give in. Thank you. Pour clore ce segment musical à Audiomatique, les sonoristes vous offraient à entendre le groupe brooklynois The Antlers et la pièce Parentheses, remixée par le groupe PVT. On retrouve cette version sur le mini-album Together. La version originale, elle, se retrouve sur l'album studio Burst Apart. Tout juste avant The Antlers, il s'agissait de Cold Specs, le pseudonyme de l'artiste torontoise Layden Hussein, avec la chanson Steady de son premier album I Predict a Graceful Expulsion, sorti en 2012. Et pour amorcer ce bloc, on avait droit à Massive Attack et la pièce Sly, sur laquelle on peut entendre la chanteuse écossaise Nicolette. Cette pièce est parue sur leur deuxième album, Protection, lancé en 1994. Sachez que Massive Attack sera de passage à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts à Montréal le 11 mars prochain pour y présenter le spectacle Mezzanine 21, qui sera en fait une réinterprétation, des pièces du célèbre album Mezzanine, paru il y a déjà presque 21 ans, soit le 20 avril 1998. C'est l'artiste Gary Newman qui mettra un terme à cette transmission d'Audiomatique avec sa pièce Broken, qui est tirée de son plus récent album Savage, Songs from a Broken World. Les sonoristes qui vous remercient d'avoir pris le temps d'écouter cette transmission 224 d'Audiomatique. Nous vous invitons à consulter certaines de nos plateformes si jamais vous avez l'envie folle d'entendre ou de réentendre nos anciennes émissions, soit le facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Nous serons bien sûr de retour en ondes en direct mercredi prochain dès 17h pour animer la transmission 225 d'Audiomatique. Voici donc, pour terminer, Gary Newman et Broken. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Beyond fire, seems.